Le groupe de félicitations de l'Association générale des Coréens en Chine pour le 7e congrès du Parti travail de Corée, conduit par son vice-président Cha Sang-bon, est arrivé le 1er mai à Pyongyang par train. Il a déposé des bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu pour rendre hommage.